الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اقرارا به وتوحيدا وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما مزيدا اما بعد فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يسبح لله ما في السماوات وما في الارض الملك القدوس العزيز الحكيم que tout ce qui est dans les cieux et dans la terre glorifie Allah Azza wa Jal, le Malik, le roi, le Qudus sanctifié, l'Aziz, le puissant, le Hakim, le sage. Wa yaqulu tusabbihu lahu as-samawati was-sab'a wal-ard wa man fihinna wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Et les sept cieux ainsi que les terres et tout ce qu'elles contiennent le glorifie. Il n'y a rien sans qu'il ne le glorifie par sa louange. Cependant, vous ne comprenez pas leur glorification. Il est certes indulgent et pardonneur. Allah Azza wa Jal est le créateur de toutes choses. Il nous informe que toute sa création le glorifie, même la nourriture. Comme l'a rapporté Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, dans un hadith où il l'a dit, « لَقَدْ كُنَّا نَسْمَعُ تَسْبِيحَ التَّعَامُ وَهُوَ يُؤْكَلْ » Nous entendions la glorification de la nourriture alors qu'elle se faisait manger, c'est-à-dire dans le plat du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah Azza wa Jal a choisi parmi ses créatures deux catégories pour le taklif, qui sont le fait d'endosser les charges religieuses, celui qui sera récompensé ou châtié, celui qui aura le Jannah ou qui aura le Nar, l'enfer. Et ils sont les hommes et les djinns, qu'on appelle les thaqalayn. Qala subhana, wa ma kharaqtul djinna wal insa illa liya'budun. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Puis, ces thaqalayn ont été divisés en deux catégories. Pas trois, pas quatre, ni cinq. Deux seulement. Al-mu'min, le croyant. Ou al-kafir, le mécréant. Ou al-lazi khalaqakum faminkum kafir, wa minkum mu'min. Ou Allahu bima tamaluna basir. Il est celui qui vous a créé parmi vous le mécréant et parmi vous le croyant. Et Allah est parfaitement clairvoyant de ce que vous faites. Et d'ailleurs, dans le Coran, nous avons deux sourates qui portent ce nom de ces deux catégories. Surat al-Mu'minun, la surat qui s'appelle les croyants, et surat al-Kafirun, les mécréants. Bien que cette nomination ne vient pas d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ces sourates ont été nommées de la sorte pour ce qu'elles contiennent. Et nous, nous voulons parler, bi'iznillah ta'ala, autour de surat al-Kafirun. Surat al-Kafirun. Cette surat qui est parmi les plus mémorisées par les musulmans, grands, petits, d'accord, elle est courte, elle est claire dans ses termes, et pourtant elle est très mal comprise par la plupart d'entre nous. Alors, si elle est mal comprise, que va-t-on dire de sa mise en pratique? Et comment mettre une œuvre, ou plutôt comment mettre en œuvre ce qui n'est pas assimilé? Cela n'aboutira qu'à deux choses. Soit la chose sera délaissée totalement, ou elle sera placée hors contexte. Et la placer hors contexte est une forme de délaissement de toute façon, car son but originel ne sera pas accompli. Donc d'où l'importance d'apprendre et d'en parler. Donc à travers cette sourate, Allah Azza wa Jalla nous informe en peu de mots, mais rempli de sens, qui sont ces kuffars, ces kafirun, d'accord? Comment se nomment-ils? Quelle est la différence qu'il y a entre eux et nous, c'est-à-dire les croyants, nahnu mu'minin, insha'Allah, et quelle attitude adopter avec eux? Yaqulu subhanahu wa ta'ala, قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ. Dis, ô vous les mécréants, لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ. Je n'adore pas ce que vous adorez. وَلَا أَنْتُمْ عَبِدُونَ مَا أَعْبُدُ. Et vous n'êtes pas adorateur ce que j'adore. وَلَا أَنَا عَبِدٌ مَا عَبَدْتُمْ. Et vous n'êtes pas adorateur ce que j'adore. Ou plutôt, je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez. وَلَا أَنْتُمْ عَبِدُونَ مَا أَعْبُدُ. Et vous n'êtes pas adorateur ce que j'adore. لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ. À vous votre religion et à moi la mienne. Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, dans le tafsir de cette sourate, il dit « Adi sura, surat al-bara'a, min al-amal, al-lazi ya'maluhu al-mushrikun, wa ya amiratum bil-ikhras » Que cette sourate, c'est la sourate de la sincérité. Ou plutôt, la sourate du désaveu, non, du désaveu des œuvres des mushrikun, des polythéistes associateurs. Et cette sourate ordonne d'être l'appel à la sincérité. Car lorsqu'il dit قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ, dit au vous les mécréants, شَمِلَ كُلَّ كَافِرِينَ لَوَجَ الْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُوَاجِهِينَ, بهذا الخطاب هم كفار قريش. Car ce verset qui est قُلْ يَا هُوَ الْكَافِرُونَ englobe tout kafir, tout mécréant sur la surface de la terre. Cependant, ce discours avait été porté en particulier aux gens de Quraysh à l'époque. Car dans leur ignorance, comme le dit Ibn Kathir, ils avaient appelé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à adorer leurs idoles pendant un an, et que eux, ils adoraient sa divinité pendant un an. C'est-à-dire, concession, on échange. Toi, tu es avec nous pendant un an, et nous sommes avec toi pendant un an. Donc Allah azawajal a fait descendre cette sourate. Et il a ordonné à son messager sallallahu alayhi wa sallam de se désavouer de leur religion totalement. Un désaveu total. Faqal, qul ya ayyuhal kafirun. Dis, ô vous les mécréants. Allah azawajal a ordonné à son prophète de leur proclamer ce qui va suivre. Awalan kadimat kafirun, c'est le pluriel de kafir, jam. On peut dire également kuffar. Car un mot en arabe a plusieurs pluriels. On peut dire kuffar, comme a dit Allah Ta'ala, Inna allazina kafaru wa matu wa hum kuffar, ulaika alihim la'natullahi wal malaikati wal nas ajma'in. Ceux certes qui ont mécru et qui sont morts en étant kuffar, c'est-à-dire mécréants, ceux-là auront la malédiction d'Allah et des anges et de tous les hommes. Le sha'il, c'est le mot kuffar. On appelle ça un jam taksir. On peut dire également kafara. On peut dire kafara comme pluriel de kafir. وَلَاِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ كَمَا قَالَ تَعَالَى. Et ceux-là sont les mécréants et les pervers. Et le mot kafirun, qui est kafir, pluriel de kafir, est pris du mot, du masdar qui est kufr ou kufran. Kufr ou kufran. Littéralement parlant, au point de vue linguistique, le mot kufr a pour sens sitr al-shay, le fait de cacher une chose, de la camoufler. C'est pour cela que même la nuit, en arabe, a été appelé kafir. Pourquoi ? Car elle camoufle les individus. Également, az-zurra, les agriculteurs. Ils sont appelés kuffar. Pourquoi ? Car ils camouflent la graine dans la terre. Donc ça vient au sens de camoufler, dissimuler et cacher. Et le mot kufran, ou kufr, également peut s'appliquer sur l'ingratitude, la non-reconnaissance des bienfaits. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit à des femmes, lors de la khutba du Eid, qala lahunna tuksirna al-la'n wa takfurna al-ashir. C'est-à-dire, vous insultez beaucoup, vous maudissez beaucoup, et surtout, wa takfurna al-ashir, vous êtes ingrate dans la vie conjugale. Takfurna al-ashir. Et le mot kufr, istilahan, dans la terminologie religieuse, c'est dud al-iman, wa juhud, wahdaniyatillahi, wa ni'ami. C'est l'opposé de la foi et le fait de refuser l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, son unicité, ainsi que ses bienfaits. Donc ce n'est pas le simple fait de renier l'existence d'Allah, non. Mais son unicité, c'est-à-dire même quelqu'un qui reconnaît Allah comme étant présent, comme étant son créateur, comme étant son adoré soi-disant, mais qui n'adore pas comme il se doit, rentre dans le kufr. D'accord ? Car il n'aura pas unifié Allah Azza wa Jalla. Donc le kafir refuse de croire en Allah et refuse d'être reconnaissant envers les bienfaits qu'il lui a accordés. En le remerciant de quelle façon ? En lui rendant son droit, qui est le tawhid, de l'unifier dans l'adoration, dans sa seigneurie et dans ses noms et attributs. Donc le kufr, c'est le contraire de la foi. Et la foi, quelle est-elle ? La foi, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, hadith Abi Hurayra, il y a bid'un wa sittun wa sab'un shu'ba. C'est 70 ou 60, soixantaine ou une soixante-dizaine de branches. قال أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق والحياء من الإيمان. Le plus haut niveau de la foi, c'est le fait de dire لا إله إلا الله. Et le plus bas niveau, c'est d'ôter les obstacles sur le lieu de passage. Et il a dit la pudeur fait partie de la foi. Donc les ulama ont déduit de ce hadith que la foi, c'est acte des cœurs, c'est-à-dire la croyance, des paroles, et également acte des membres. D'accord ? C'est trois choses. Qol bil lisan, parole par la langue, comme le fait de dire la ilaha illallah. Amel bil qalb, les actes du cœur, comme la pudeur justement, et donc bien d'autres, qui sont nombreux. Et acte des membres, comme le fait d'ôter les choses du passage. Et cette foi, elle monte et elle descend. Comment ? Elle monte par les ta'at, par les adorations. Plus on fait d'actes d'obéissance, plus elle monte. Et elle descend par les désobéissances, le contraire. Plus on délaisse et plus on fait d'interdits, et plus la foi descend. Et cette foi, elle a des piliers. Comme cela a été décrété dans le hadith de Jibril, rapporté par Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, dans le sahih de l'imam muslim, lorsqu'il a dit au Nabi sallallahu alayhi wa sallam, وَمَا الْإِيمَانِ Qu'est-ce que la foi ? قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. La foi, c'est quoi ? C'est de croire en Allah, de croire en ses anges, de croire en ses livres, de croire en ses messagers et de croire au jour dernier et au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Donc, croire en Allah, cela implique de croire en son existence, et de croire en son unicité, et de croire en ses noms et attributs tels qu'il est. De croire en ses livres, ou plutôt en ses anges, de croire en tous ses anges. De croire en ses livres, tous ceux qui ont cité dans le Coran, et le Coran qui est le dernier, qui est le meilleur, et qui a abrogé les autres précédents. On doit y croire et en son contenu. En ses messagers, on doit croire en tous. Et particulièrement le dernier qui est envoyé à l'humanité, qui est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc celui qui ne croit pas en cela totalement ou partiellement n'est pas un croyant, il n'a pas la foi, quoi qu'il dise. D'accord ? C'est ça la foi décrétée par la religion. Et non pas telle que les gens la conçoivent. De même, car aujourd'hui, trop de gens prétendent avoir la foi. Et pourtant, ils sont tous en divergence. Mais si jamais tu allais les voir, tu leur demandais, décris-moi qu'est-ce que la foi, ils ne sauraient le faire. Donne-moi une description précise et détaillée de la foi, ils ne pourront le faire. D'accord ? Donc cette foi-là, c'est celle qui était décrétée par l'islam seulement. Et le kafir, qui est-il ? Le kafir, le mécréant. Donc c'est celui qui ne croit pas en ce qui vient de suivre, qui n'a pas la foi. Qui n'a pas la foi, même s'il prétend l'avoir, lui. On ne regarde pas ses dires, mais on regarde la législation, qu'est-ce qu'elle dit ? C'est elle le mizan, c'est elle la balance. C'est elle le point de retour. Donc celui qui ne croit pas, ça s'appelle en français un verbe qui s'appelle mécroire. Donc ça s'appelle mécréant. Un croyant, c'est la traduction qui est correcte. Et il n'y a aucun mal à les nommer de la sorte. Voire même, il faut les nommer de la sorte. Nommer koufar, mécréant. Mouchidekoun, polythéiste, associateur, réel d'Arika. C'est comme ça que Allah Azzawajal et son messager les ont nommés. Et pas différemment. Tu ne trouveras aucun texte qui dira un non-musulman, comme les gens se complaisent à le dire aujourd'hui. Ça n'existe pas, ça, dans le châle, dans la législation. Ce n'est pas la voie du prophète de les nommer de la sorte, pour faire preuve de complaisance avec eux. Non. Si tu les nommes, Messalène, non muslim, c'est le fait que tu les décrives, que ce n'est pas un muslim, mais le fait de les nommer comme cela, par gêne de ne pas dire mécréant, ça c'est faux. Ça c'est une erreur. La arboudou mata arboudoun. Je n'adore pas ce que vous adorez. Je n'adore pas ce que vous adorez. Yaqulu ibn Taymiyyah, rahmahullah ta'ala, par rapport à ce verset, وَبِهَذَا يَتَمَيِّزُ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ مِمَّنْ يَعْبُدُ غَيْرَهُ وَإِنْ كَانَ كِلَاهُمَا يُكِرُّ بِأَنَّ اللَّهَ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَيَتَمَيِّزُ عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلِصُونَ الَّذِينَ لَمْ يَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ مِمَّنْ يَعْبُدْ غَيْرَهُ وَأَشْرَكَ بِهِ. Qu'il dit Ibn Taymiyyah que c'est par cela que se distingue, par ce verset-là, se distingue celui qui adore Allah de celui qui adore autre que lui. Même si les deux reconnaissent que Allah est le Seigneur de toutes choses. Cependant, le croyant lui se distingue du fait qu'il adore Allah seul. Il n'adore rien d'autre que lui et qu'il est sincère. Alors que les autres, même s'ils reconnaissent que Allah est le Seigneur, ils adorent autre que lui et lui associent. Et il dit également, il a un long kalem sur cette sourate, mais j'ai essayé de la résumer, de la traduire directement pour ne pas être trop long. Yaqul, yaqtadi tanzihahu an kulli mawsufin bi annahu ma'buduhum. لأن كل ما عبده الكافر وجبت البراءة منه لأن كل ما كان كافرا كل من كان كافرا لا يكون معبوده الإله الذي يعبده المؤمن إذ لو كان هو معبوده لكان مؤمنا لا كافرا وبذلك يتضمن أمورا. Donc il dit qu'il faut singulariser Allah et le particulariser et le purifier, d'accord, de ce que eux ont décrit leur divinité. C'est-à-dire que comme eux ont décrit leur divinité, dire que Allah n'est pas comme ça. D'accord ? C'est-à-dire que ce que le mécréant adore, on doit le désavouer. qui a leur divinité, n'est pas la même que celle des croyants. Comme le dit, « La abudum ata abudun, je n'adore pas ce que vous adorez. » Sans quoi, il serait lui-même un croyant, et non pas un kafir. Car Allah l'a dit, « Kafirun ». Pourquoi? C'est quoi la différence? Car il n'adore pas ce que nous on adore. Donc cela implique plusieurs points. Premièrement, cela implique qu'il faille forcément se désavouer de leur adoration, de ce qu'ils adorent en dehors d'Allah, azawajal. Deuxièmement, que s'ils ont adoré Allah partiellement et autre que lui avec lui, leur divinité c'est tout l'ensemble. D'accord? Le tout qui est Allah et autre que lui, ce sera ça leur divinité à eux. Alors que le croyant, le mu'min, c'est quoi sa divinité? C'est Allah seulement. Pas l'ensemble de ces gens-là. Bien au contraire, il désavoue cela. Le mu'min, le croyant, il voue le culte exclusif sans aucun acte de shirk, d'association à Allah. T'as même? Ça c'est parmi les wujur qui ont été cités. Également, une autre application de ces versets, dans sa parole, « Wa la antum abiduna ma abud » vous n'êtes pas adorateur de ce que j'adore, cela amène également à un reniement du culte de leur divinité. Car s'ils adorent Allah en lui associant ce qu'ils n'adorent pas, ce que Mohammed s.a.w. adore, comme on l'a dit précédemment, s'ils adorent Allah et autre que lui, ça veut dire qu'ils n'adorent pas ce que Mohammed et les croyants adorent. Et s'ils disent adorer Allah comme ils l'appellent Dieu, par exemple, dans leur langage, ils le font vainement. Leur adoration, elle est vaine. Et elle est fausse. Elle est basée que selon leur désir à eux. Car cela est nul. Et s'ils adorent autre que lui totalement, c'est-à-dire qu'ils n'adorent même pas Allah, mais autre que lui seulement, alors ces adorations, ou plutôt ces adorés, ne pourront rien leur apporter. Rien du tout. « وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَذُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ » كَمَا قَالَ تَعَالَى. Ils adorent en dehors d'Allah ce qui peut ni leur nuire, ni leur profiter. Donc leurs adorés sont nuls. Tout comme également, cela implique que ce qu'ils affirment être Allah selon leur dire, d'accord, c'est-à-dire selon leur dire à eux, sans que ce soit Allah dans sa réalité, et ils l'adorent en étant persuadés que cela est Allah, à l'instar de ceux qui adorent le Messie par exemple, d'accord, qu'ils adorent Ad-Dajjal, ou qu'ils adorent leur dunya, ou leur passion, ou qu'ils nomment cette divinité comme étant Allah, plutôt eux, ils diront Dieu, mais ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. Car Ibn Taymiyyah dit également que tout ce par quoi ils décrivent Allah dont il est innocent, c'est-à-dire ils disent que, par exemple, comme les chrétiens disent, Dieu est amour. Par exemple. Je voulais dire que l'amour, al-mahabba, est parmi ses attributs, mais que Allah lui-même n'est pas amour. Allah Azzawajal en lui-même n'est pas l'amour. Et eux disent que Allah il est l'amour. On dit non, l'amour est parmi ses attributs. Mais il n'est pas Allah. Ou il le nomme d'une façon qui n'est pas telle qu'il est. Qui n'est pas telle qu'il est. Par exemple, ils disent le Fils, ils disent le Saint-Esprit, d'accord? Ils adorent Allah sous cet aspect-là. Ils l'ont divisé en trois, comme vous connaissez la Trinité. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Pour eux, le tout, c'est leur adoration, c'est leur adoré. D'accord? Donc, est-ce qu'Allah, il est un Père? Non, il n'est pas un Père, il est notre Créateur. Est-ce qu'il est le Fils? Encore moins. La Mérid ou la Mioulad? Est-ce qu'il est le Saint-Esprit? Non, car à la base, le Saint-Esprit, Ruh al-Qudus, c'est Jibril. Donc, ils ont fait un tout. Et là, on ne parle que des chrétiens. Mais d'autres que eux ont fait pareil, comme on dirait un cocktail. Ils ont mélangé plein de choses et pour dire c'est ça, Dieu, d'après eux. Donc le croyant, il dit La abudu, ma ta'abudun, je n'adore pas ce que vous adorez. Non. Donc Allah Azzawajal est innocent de ce qu'ils adorent. Ce n'est pas Allah Azzawajal. Comme l'avait dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, قال ألا ترون كيف يصرف الله عني سب قريش يسبون مذمما وأنا محمد. Qu'il avait dit quoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam? N'avez-vous pas vu comment Allah a détourné de moi les insultes de Quraysh? Pourquoi? Car les Quraysh avaient insulté, ils avaient nommé Mohammed par Muzammam, au lieu de dire Mohammed. Muzammam, ça voudrait dire le blâmer, le critiquer. Alors que Mohammed, ça veut dire le très loué. Donc, il leur fait comprendre, comment ils m'ont nommé, ce n'est pas moi. Ce Muzammam, ce n'est pas moi. Moi, je suis Mohammed. Donc, comme eux, les koufars, ont nommé Allah Dieu, ou le Fils, ou le Père, ou autre, parmi leur nomination, comme vous le savez, Zeus, ou Jéhovah, ou Jah, ou je ne sais quoi, tout cela, ce n'est pas Allah, en réalité. Donc, ils n'adorent pas ce que les croyants adorent. Donc, il conclut, Ibn Taymiyyah, toujours à la traduction, en disant que tous ceux qui ne croient pas ont le descriptif que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait de son Seigneur, ou le descriptif que Allah a fait de lui-même dans son livre, n'ont pas adoré ce qu'a adoré Mohammed, n'ont pas adoré ce qu'ont adoré les croyants en cet aspect-là. Non. Donc Allah, كذلك, pour montrer que leur adoration elle est fausse, Allah n'accepte d'être adoré que par l'islam. C'est tout. وَمَنْ يَبْتَغِيْرَ الْإِسْلَامَ دِينَ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَوَفِ الْأَخِلَاتِ مِنْ الْخَاسِرِينَ. Que ceux qui recherchent autre que l'islam comme religion, elle ne sera pas acceptée de lui, il sera dans l'au-delà du nombre des perdants. إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ. Certes, la religion, auprès d'Allah, c'est l'islam. Seulement, pas de judaïsme, pas le christianisme, pas tout ce que vous pouvez connaître comme nom de religion. Tout cela n'est pas accepté auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Cela a été abrogé. وَقَالَ وَلَا أَنْتُمْ عَبِدُونَ مَا أَعْبُدُ. Vous n'êtes pas adorateurs ce que j'adore. Car certains, qui ont une compréhension qui est erronée, qui est fausse, pensent que le mécréant, c'est lui qui ne croit en rien. Comme l'athée, par exemple. Cela est faux. D'une part, l'athée croit en quelque chose. Il croit en ce qu'il appelle l'évolution, ce qu'il appelle la nature, ce qu'il appelle la force première, je ne sais quoi. Il croit en quelque chose. Mais ce quelque chose n'est pas Allah, billah shak. Donc le mécréant, ce n'est pas que l'athée. Cette sourate, qui est sourate al-Kafirun, elle n'est pas descendue sur des athées, mais sur les gens de Quraysh, les mouchikoun de Quraysh. Et eux, ils croyaient partiellement à Allah et reconnaissaient qu'il était leur créateur. Comme a dit Ta'ala, وَلَيْنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَكُولُنَ اللَّهُ فَإِنَّا يُؤْفَكُونَ. Si jamais tu les interrogeais qui donc les a créés, ils diront, c'est Allah. Donc comment peuvent-ils mentir? Il y a plein de versets qui sont venus dans ce sens-là. Si vous interrogez qui a créé les cieux et la terre, qui donne la vie, qui donne la mort, ils diront, c'est Allah. Quraysh reconnaissait Allah, Azawajal. D'accord? Ils croyaient en la rububiyya, la seigneurie. Mais pourtant, cette sourate est descendue sur eux, bien qu'elle concerne tout kafir, et Allah les a nommés comment? Kuffar, kafirun, mécréants. Donc peu importe, à partir du moment où l'individu n'est pas un musulman qui unifie Allah dans l'adoration, et on parle de l'adoration légiférée par l'islam, avec tout ce que cela implique, alors il est concerné par cette sourate, qu'il soit athée, bouddhiste, nasrani, chrétien, yahoudi, juif, témoin de Jéhovah, sikh, hindou, rasta, animiste, druide, tout ce que vous voulez. Nomme-les comme tu veux. S'il n'est pas musulman, alors il est un kafir, un mécréant. Toute religion, toute croyance autre que celle de l'islam, ses adeptes sont des koufars, des kafiroun, des mécréants. Quant aux versets qui font allusion aux gens du livre, dans le Coran, en les qualifiant comme étant des croyants, cela il s'agit de ceux qui n'avaient pas encore reçu le message de l'islam auparavant et qui suivaient sincèrement le message de leur prophète antérieur. Mais ces gens-là, par la suite, ont cru en Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. D'accord ? Yaqulullah azza wa jal, la tajidanna shadanna sa'adawatan lillazina amanul yahoud wallazina ashraku. Wa la tajidanna akrabahum mawaddatan lillazina amanul lazina qalu inna nasara. ذلك بيننا منهم قسيسا ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. Certes, tu trouveras parmi les gens les plus durs, les plus grands ennemis à ceux qui ont cru, tu trouveras que ce sont les juifs et les associateurs, polythéistes ou quoi. Et tu verras les plus proches d'entre eux et les plus doux envers eux, envers les croyants, ceux qui ont dit nous sommes l'ensemble, nous sommes chrétiens. Car parmi eux, il y a certes des moines, des prêtres et qui sont des gens qui ne sont pas orgueilleux. Ces versets sont descendus sur qui? Sur Al-Najashi, ce qu'on appelle le Négus, qui était un roi en Habasha lorsque les Sahaba ont fait la Hijra de Mecca pour aller en Éthiopie. Ces gens-là étaient des chrétiens à la base, d'accord? Mais qui ne connaissaient pas encore l'islam. Et d'ailleurs, la suite du verset clarifie bien les choses, qu'il s'agit de gens qui ont cru par la suite, et non pas des gens qui sont restés dans leur fausse croyance, comme Allah Ta'ala, où ils disent « Sami'u ma'unzila ila al-Rasul, tara'ayunahum tafidhu min al-dam » Et si ils entendent ce qui est descendu sur le messager, c'est-à-dire Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu vois leurs yeux couler de larmes pour ce qu'ils ont connu comme vérité. Et ils disent, ô notre Seigneur, nous avons cru, donc inscris-nous avec les témoins. وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنِ الْحَقِّ وَنَتْمَعُوا يَدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ. Et qu'aurons-nous donc à ne pas croire en Allah après que la vérité nous soit parvenue, alors que nous voulons que notre Seigneur nous mette parmi les gens pieux. Hein? Donc, le verset il est clair, pour ne pas le mettre en contexte. وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا جَاءَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ والذي نفس محمد بيدي لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. Qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam que par celui dont l'âme de Mohammed est dans sa main, nul n'entendra parler de moi, qu'il soit un Yahoudi, c'est-à-dire un juif, ni un chrétien, Nasrani, puis qu'il meure sans avoir cru en mon message, sans qu'il soit parmi les gens du feu. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi sur eux? Va-t-il dire des choses qui s'opposent au Coran? Sûrement pas. La sunna, elle est venue pourquoi? Pour clarifier et détailler et expliquer le Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les a combattus. Il a combattu les gens du livre. Il les a pris comme captifs. Il en a fait des esclaves. Il a pris leurs biens en butin, comme butin de guerre. S'ils avaient été des croyants, ils n'auraient pas agi de la sorte avec eux. Car il a bien dit, sallallahu alayhi wa sallam, « Umirtu an uqatil al-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad rasulullah wa yuqimu s-salah wa yutu s-zaka fa idha fa'alu dhalika 'asabu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah. » Donc il a dit, il m'a été ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils attestent de la ilaha illallah et que Mohammed est le messager d'Allah, qu'ils accomplissent la salat, qu'ils s'acquittent de la zakat. Et si ils font cela, ils seront préservés de moi dans leur vie ainsi que dans leur bien, d'accord, sauf si jamais cela revient autour de l'islam. Et parmi ces dernières paroles, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi? Alors qu'il était dans les affres de la mort, sur le point de mourir, il a dit quoi? La'anallah اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. Qu'il a dit que Allah maudisse, ou qu'il a dit que Allah maudit, soit c'est une invocation, soit c'est une information. Taïeb, qu'Allah maudisse les juifs et les chrétiens, car ils ont pris les tombes de leurs prophètes comme lieu d'adoration, ce qui les amenait à faire du shirk. Allah, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, les a maudits avant de mourir. Comment on va te dire que ce sont des croyants? Ce n'est pas possible. Et kazalik, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam que trois personnes auront deux récompenses le jour de la résurrection. Et parmi eux, il a dit quoi? Wa rajulun amana bi nabiyhi thumma amana bi thumma amana bi. Que il parle de quelqu'un qui a cru en son prophète antérieur, c'est-à-dire par exemple un chrétien qui a croyé en Isa. Et quand il a connu Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a cru en lui. Et ben lui, il aura deux récompenses. Première récompense, d'avoir cru la vérité qu'il a connue auparavant. Et deuxième récompense, pour avoir pris la vérité absolue, celle qui vraiment est venue éclaircir, qui avait fait toute chose. Non. Donc ces gens-là, les gens du livre, ne sont pas des croyants. Ce sont des mécréants. Mais ils ont reçu un savoir que d'autres n'ont pas eu. C'est pour ça qu'ils ont été particularisés et qu'ils ont eu des droits que d'autres n'ont pas. Non. Ça, c'est un autre sujet encore. Donc, Yaqul, wala ana abidun ma'abattum. Je ne suis pas adorateur ce que vous adorez. C'est-à-dire tout ce que vous adorez sous toutes ses formes. Qu'il s'agisse de créatures, comme des êtres humains, et des êtres humains qu'il a agréés. Parce que Isa a été adoré, mais il n'a pas agréé. Et plein de gens pieux ont été adorés, n'ont pas agréé. Également parmi les djinns. Beaucoup adorent les djinns. Et également parmi les djinns, il y a des croyants qui n'agréent pas d'être adorés. Également, il y a des gens qui adorent des animaux. Vous voyez, des gens qui adorent la vache, qui adorent le rat, qui adorent les singes, et ainsi de suite. Des gens qui adorent l'argent, qui adorent les idoles, et ainsi de suite. Tout cela sera considéré comme étant l'adoration du Tarout. Le Tarout, qui est la chose pour laquelle les messagers ont été envoyés, pour informer aux gens de s'éloigner de cela. Voilà quand débarrassna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allah wa ijtanibu at-taghut. Nous avons certes envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire adorez Allah et éloignez-vous du taghut. Le taghut, naam. Qu'est-ce que le taghut? Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala l'a bien défini comme cela a été rapporté de ses paroles à la fin dans Usul al-Thalatha. Il dit ma tajawaza bihi al-'abdu al-hadd min ma'bud aw Madbour, Aou, Moutar. Tout ce par quoi le serviteur aura dépassé les limites, en adorant autre, c'est-à-dire que Allah, en suivant autre que le messager et les doigts d'Allah, et en obéissant à autre que Allah et à son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Ça revient à ça. Cela sera ta route pour toi. Et parmi les tawarites, c'est le jamb de ta route. Ils sont plusieurs, ils sont très nombreux. Et si tu as cinq principaux, et parmi eux, le shahid, celui qui juge par une autre loi que celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qui prend des lois autres que celles d'Allah subhanahu wa ta'ala. En ayant pour croyance, précision importante, en ayant pour croyance qu'il est permis de prendre ces lois-là. Cela est permis ou qu'elles sont meilleures. Lui sera un kafir. Il sera un mécréant d'une mécréance majeure. Même s'il dit qu'il est musulman, qui voit une loi autre que celle d'Allah, qu'il la prend et juge avec. en ayant pour croyance que cela lui est permis ou que cela est meilleur que la loi d'Allah Azzawajal, alors lui sera sorti de l'islam. Et les mécréants de base, leur loi, ils préfèrent à celle d'Allah. Ils n'aiment pas la charia. Ils la critiquent sans cesse. Ils la dénigrent. Comme c'est le cas, par exemple, en France, actuellement. La démocratie, c'est un tarout. C'est une loi que Allah Azzawajal n'a pas fait descendre. Ou également, ces jours-ci, comme on l'entend, ce qu'ils appellent les valeurs ou lois des républicaines, auxquelles ils veulent plier et soumettre les croyants qui sont en France. D'accord ? On a entendu le ministre de l'Intérieur qui s'appelle Gérald Darmanin, qui a osé, a eu l'audace de dire au sujet du projet de loi contre ce qu'ils nomment les séparatistes, il a dit, textuellement parlant, « L'islam français doit être certain que tous ses fidèles considèrent les lois de la République comme étant supérieures à celles de leur Dieu. » La ilaha illallah. C'est-à-dire que toi, en tant que musulman, tu dois considérer que les lois de la France sont supérieures à celles d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Cela, ça amène à quoi ? À l'apostasie. Directement, automatiquement. Il doit reconnaître cela. Donc, pour lui répondre, il n'y a pas de long discours à faire. Wallah. Surat al-Kafirun a suffi seulement. Cette surat-là qu'on vient de lire et qu'on explique là, actuellement, là, brièvement, qui en réalité, ses sens en arabe sont bien plus subtils que cela. Il y a plein de subtilités qu'on ne peut pas citer là en français. Mais, on a fait une approche. Et cela suffit à lui répondre. C'est tout. Pas besoin de plus. D'accord ? Pour lui clarifier notre position par rapport à se dire, que ce soit lui ou un autre. D'accord ? Mais pour des gens pour qui cela ne serait pas clair, on leur dit, ces valeurs et ces lois ne sont pas les nôtres. Donc il nous est totalement interdit de nous y soumettre. Il y a qu'on le soupçonne à Allah, « Yuliduna yatahakamu l'attarout, wa kad umiru wa yakfuru bih » Ils veulent se juger par le tarout alors qu'il leur a été ordonné d'y croire. Et Shaitan veut vous éloigner d'un égarement lointain. Et n'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre rappel et qui suit ses passions et dont le comportement est outrancier. Comme cet homme-là. Et comme Macron. Et comme tous ceux qui sont sur leur doctrine et leur croyance. Wala tuti' al-kafirin, wala tuti' al-kafirin wal munafiqin, wada' azahum wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakeela. N'oublie pas aux mécréants ou aux hypocrites et délaisse leur mal, c'est-à-dire s'ils veulent faire du mal, ne fais pas attention. Et mets ta confiance en Allah Azza wa Jalla et Allah suffit comme garant. N'aie pas peur d'eux. Comme qu'Allah Ta'ala, wala takhafu ma khafun in kuntum mu'minin. Et n'ayez pas peur d'eux, mais ayez peur de moi si jamais vous êtes croyants. Inna ma zalikum shaytan yukhawifu awliya'ahu. Et n'ayez pas peur de Shaitan et de ses alliés qui veulent juste vous effrayer. Mais non rien, c'est que Allah dont il faut avoir peur. Et patiente sur le jugement de ton Seigneur. Et n'obéis pas à tout pécheur mécréant parmi eux. Ne leur obéis pas à ces gens-là. Et dit, certes, j'ai peur si jamais je désobéis à mon Seigneur de ne subir un dur châtiment. Ces versets-là qu'on vient de dire maintenant, ils viennent d'où ? Du Coran, qui est le livre dans lequel on doit croire. On a dit parmi les piliers de la foi, de croire au livre d'Allah Azzawajal. On doit croire en ce livre obligatoirement, et cette parole-là n'est pas la nôtre. On n'appelle pas à nous en faisant cela. On appelle seulement à l'islam, est-ce que Allah Azzawajal a décrété pour nous ce pourquoi il nous a créés, pour l'adorer ? Non. Donc on n'a pas le droit de douter, et de mettre en question ou d'hésiter. Et ces jours-ci, tout particulièrement, ils mènent une guerre sans merci contre les gens de l'islam. Sous couvert de quoi ? De la défense de ses valeurs républicaines. Et sont contraints continuellement de sortir de nouvelles lois. Toujours. Pourquoi ? Pour nous empêcher de pratiquer véritablement notre religion. Sous quoi ? Sous peine d'être taxé de radical, extrémiste, ou même d'éventuels terroristes. Et tous ces termes à connotation effrayante, c'est plus pour faire fuir les gens. Pour faire peur aux gens, c'est tout. Comme ça, si quelqu'un venait avoir un croyant sincère, et fidèle à sa religion et loyal, tant intérieurement qu'extérieurement, ils diraient quoi ? Est-ce qu'ils vont dire « Ah, lui, c'est un vrai ?» Ils vont dire « Non, lui, c'est un terroriste, c'est un extrémiste, c'est un radical. » Comme ça, ils vont fuir de lui. Cet homme-là regroupe les stigmates de l'extrémiste. Et qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont appeler la police pour dire « On en a trouvé un près de chez nous, là. Venez l'attraper, celui-là, là. Voilà. Pour qu'après, tu sois fiché S ou je ne sais quoi. » Alors que tu n'as rien fait. Voilà, pour eux, ils te disent que tu es potentiellement dangereux, alors qu'il n'y a pas plus inoffensif par rapport à ce qu'on appelle la sécurité publique. Le mu'min ne nuit en rien aux autres. Sûrement pas. D'accord ? Le danger qu'il représente, c'est quoi seulement ? Pour leurs croyances et leur démocratie, pour leurs lois qui sont fausses. Non. Oui, pourquoi ? Parce qu'il appelle à faire le contraire. Bila chèque. Mais si on appelle, il n'est que verbal. On ne contraint pas les gens, on ne force pas les gens, on n'agresse pas les gens pour cela. Et ceux qui font des actes terroristes, qui font péter des bombes, qui tuent des gens, eux, cela les concerne. L'islam n'appelle pas à faire cela. Il ne faut pas faire d'amalgame. Même si on se rejoint sur le fait qu'il faut appeler à l'islam, leur façon de s'y prendre n'est pas bonne. Elle est même condamnée par l'islam. D'accord ? Donc ne pas confondre les choses. Et ne pas se faire avoir par leur discours à eux, qui veulent faire également un cocktail et mettre tout le monde dans le même sac, dans le même bain. Ça, c'est faux. Donc ces gens-là, leur but, c'est quoi ? C'est les combattre l'islam, de toute façon. Que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, en Angleterre, dans tous les pays du Koufar, d'accord ? Et même chez les pays d'islam, ils viennent nous envahir pour nous faire délaisser notre religion. Leur but, c'est de s'en prendre à l'islam, de toute façon. Comme Allah subhanahu, يُلِدُونَ أَنْ يُتْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَبَّ اللَّهُ إِلَّا يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. Ils veulent simplement éteindre la lumière d'Allah par leur bouche, alors que Allah refuse, si ce n'est que sa lumière ne soit pas rachevée. Même si les mécréants en sont mécontents. هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. Il est celui qui a envoyé son messager par la guidée et la religion véritable pour le faire apparaître sur toutes les autres religions, même s'il n'en déplaise aux mushrikoun. Ils te disent, par exemple, liberté, égalité, fraternité. Wallahi, mensonge et honte. Qu'est-ce cela ? Un pur mensonge. Vous êtes tous témoins de ce qui se passe en France. D'accord ? Il y a qu'un mounafir, un hypocrite ou un menteur à la solde de la France qui veut s'y intégrer, d'accord ? Quitte à délaisser sa religion, qui aura l'audace de nier cela. Sinon, toute personne qui a un minimum de foi saura que ce slogan de la France, c'est un pur mensonge. Sans compter tout ce qu'on voit comme discrimination et comme actes anti-islam, hein, qui sont faits, qui sont monnaie courante. Et si on regarde leur slogan selon le regard de la révélation de l'islam, liberté, égalité, fraternité, cela ne nous concerne pas. Ils disent liberté. On dit le musulman n'est pas libre. Le musulman est soumis à Allah, azza wa jalla. Le musulman, ça veut dire soumis. قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Dis certes, ma salat et mon sacrifice et ma vie et ma mort sont à Allah, Seigneur des mondes. On dit quoi lorsqu'on est touché d'un mal ? يَقُلْ اللَّهُ عَزَوَ جَلَّ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. C'est lorsqu'un mal, un malheur les touche, ils disent, certes, nous sommes à Allah et c'est vers lui que nous reviendrons. Nous sommes à Allah et c'est vers lui que nous reviendrons. Donc on n'appartient pas à la République. On n'appartient pas à Macron, ni à Mitterrand, ni à Trump, ni à personne. On appartient à Allah subhanahu wa ta'ala seulement. Tout cet univers, c'est son royaume. Nous sommes ses serviteurs. Et rien ne peut être placé au-dessus de ses lois et décrets et de son adoration. Rien ne permet de le désobéir. Ni valeur républicaine, ni citoyenneté, ni salaire de ton travail, ni ta famille proche, ni ton ami, ni rien du tout. Rien. Et Allah azawajal, parmi ses attributs, il y a ce qu'on appelle al-ulu, l'élévation. L'élévation. Et cette élévation, les trois catégories. L'élévation, al-zat, que Allah est élevé au-dessus de tout par son essence. Allah est au-dessus de sa créature, au-dessus des cieux. Et il y a ulu al-sha'an, c'est-à-dire qu'il est dominant par son rang. Il est le créateur de toutes choses, le seul méritant d'adoration, celui qui est la force absolue. Et il y a ulu tamam al-qahr, que Allah, il domine toutes choses par sa suprématie, car tout est régi par ses lois universelles. Afrail le dinillah yabrun wa law aslama man fis samawati wal ard taw'an wa karaha wa ilayhi yurja'un. Est-ce donc une autre religion que celle d'Allah qu'ils veulent, alors que à lui c'est soumis tout ce qui est sur les cieux ou dans les cieux et sur terre, de gré ou de force, et c'est vers lui qu'ils reviendront. Nous sommes tous soumis à Allah, à ses lois, tous, même le kafir. Le kafir, il a besoin de manger pour vivre, il a besoin de respirer pour vivre. Il a besoin de dormir pour se reposer. Quand il est malade, il devient faible. Tout cela sont les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Après, ils disent égalité. Nous ne sommes pas égaux avec les koufars, sûrement pas. Afana jalul muslimin et kal mujrimin. Malakum kefatar komun. Comme il a dit Allah dans le sens, allons-nous faire des. J'en ai mettre les musulmans comme les criminels. Qu'avez-vous ? Comment vous jugez ? Wa qala subhanahu amna jalul lazina amanu wa amilu salihat kal mufsidina fil ard. À de nous mettre ceux qui ont cru, qui ont fait des bonnes œuvres, comme les corrupteurs sur terre, allons-nous donc mettre les gens pieux comme les pervers? Allons-nous donc mettre les gens pieux comme les pervers? Donc Allah subhanahu, la yastawi ashabu nar wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul fa'izun. ne sont pas égaux les gens du feu et les gens du paradis. Les gens du paradis sont eux les victorieux. À savoir que même en tant que croyants, nous ne sommes pas égaux. Mais nous sommes tous sur la même religion. Mais que le mécréant, ben, a plus forte raison. Et Allah, il aime les croyants, n'aime pas les mécréants. Qul ati'u Allah wa rasul fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbul kafirin. Dis, obéissez à Allah et à son messager. Et si jamais il se détourne, alors Allah n'aime pas les mécréants. Comment cela serait-il possible que nous soyons égaux? Cela est inconcevable. Et ils disent fraternité. On dit nous ne sommes pas frères. Innama al-mu'minuna ikhwa, comme Allah Ta'ala. Innama al-mu'minuna ikhwa. Seuls les croyants sont frères. Wa qala subhana fa in tabu wa qamu as-salata wa atu zakat fa yuqanukum fi ad-din wa nufassilu al-ayati likum ya'lamun. Et dit, en parlant des, justement des mécréants, si jamais ils se repentent et qu'ils font la salat, qu'ils s'acquittent de la zakat, alors ils seront vos frères en religion. Aïe, sans quoi ils ne sont pas nos frères. Wa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, kunu ibadallah ikhwana al-muslim akhul muslim. Soyez frères, plutôt soyez des dévots à Allah en toute fraternité, et que le musulman est le frère des musulmans. Seulement, eux ne sont pas nos frères. La vraie fraternité, c'est celle de l'islam. Quant à celle qui est basée sur les valeurs républicaines, elle n'est que serenette et baliverne. C'est tout. Et ces valeurs républicaines, ne sont qu'une une simple invention qui sort de la tête de l'homme. Fakat, c'est eux qui l'ont inventé ça. مَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا أَسْمَانِ سَمَّيْتُمُهَا أَنْتُمْ وَأَبَاؤُكُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانِ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهِ ذَلِكَ الدِّنُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Ils n'adorent en dehors de lui que des noms qu'ils ont nommés eux-mêmes. Ce sont eux-mêmes qui ont nommé ces noms-là. Hein? Eux-mêmes ainsi que leur père. Et Allah n'a fait descendre aucune preuve au sujet de ces noms-là. Mais le jugement ne revient qu'à Allah. Et il a ordonné de n'adorer que lui. Et c'est ça la religion qui est droite. Cependant, la plupart des gens ne savent pas. Donc, ces valeurs et droits de loi républicaine n'ont rien créé. Elles ne nuisent en rien, ne protègent personne, n'apportent aucune subsistance. Elles ne nourrissent pas, elles ne donnent pas la vie, ni la mort, et ne répondent pas à la demande de ceux qui viendraient à les invoquer. Elles ne sont même pas capables de se défendre elles-mêmes. Elles n'ont aucun pouvoir, aucune faculté d'agir. Elles ne sont que des fictions dans les esprits des gens, et des fantasmes, et des mots sur les langues, et sur du papier. D'accord? Et même ces lois-là, elles peuvent être amenées à être modifiées, d'accord? Selon leur désir, ou remplacées par une nouvelle constitution par la suite. Et nous, elles ne représentent rien à nos yeux, elles n'ont aucun poids. Tartel akdam, sous nos pieds. Qala subhana, kulu ghayrallahi yattakhidhu waliyan fatilis samawati wal ard, wa yut'imu wa la yut'am, kul inni umirtu an akuna awwala man aslam, wa la takunanna min mushrikin. Il a dit, vais-je donc prendre autre que Allah en tant qu'allié, celui qui a créé les cieux et la terre, celui qui nourrit, qui n'est pas nourri, dit, il m'a été ordonné d'être le premier à me soumettre et ne sois sûrement pas du nombre des mouchriquin. Ça a été une interdiction, ne sois sûrement pas du nombre de ces gens-là. Donc maintenant on dit par précision, si les lois qu'ils contiennent, ces valeurs républicaines, s'accordent à l'islam ou ne s'y opposent pas, d'accord ? Alors, on peut les observer pour ne pas troubler l'ordre public. Mais dès lors qu'elles amènent Masalan à transgresser, d'accord ? Alors, pas d'obéissance ni de respect. Elles sont délaissées. Et cela est valable pour toute loi imposée par les hommes. Ce n'est pas que les valeurs républicaines. Toute loi, même dans les pays d'islam, qui ne sont pas conformes à l'islam, qui s'y opposent, qui amènent à désobéir, on n'obéit pas. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la Torah tali makhlouk, fi marsiyati al-khaliq, qui n'a pas d'obéissance à la créature, dans la désobéissance au créateur. Ce n'est pas permis cela. Et cela, même avec nos parents, même si c'était muslim qui nous appelait à désobéir, on ne pourrait pas le faire. Et Allah n'a pas mis d'autorité, d'accord, aux mécréants sur les croyants. وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. Que Allah n'a pas donné d'autorité aux mécréants sur les croyants. Donc, يَقُولُ وَلَا أَنْتُمْ عَبِدُونَ مَا عَبُودُ. Et vous n'êtes pas adorateurs ce que j'adore. Donc, ils n'adorent pas ce que nous adorons. Mais ils veulent y mettre fin, car cela ne va pas dans le sens de leur passion et de leur désir. Et la sourate se finit par ce dernier verset qui est « Lakum dinukum waliyadin » « À vous votre religion et à moi la mienne. » Bien comprendre ce verset-là. « Shikhil Islam yakoul »« La yadullu ala ridahu bidinihim »« Bella ala ikralihim alayhi »« Bella yadullu ala bara'atihi min dinihim »« Waliyahadha qala nabiyu sallallahu alayhi wa sallam »« Inna hazi surah bara'at min shirk » Donc ce verset-là n'est pas une preuve que Allah agrée leur religion ou qu'elle soit reconnue. Mais cela justement démontre qu'il faut la désavouer. C'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit que cette sourate, Kafirun, c'est la sourate du désaveu, du shirk. Liazak Allah azza wa jal, wa inkazzabuka faqul li amali wa lakum amalukum antum bari'un mimma a'malu wa ana bari'un mimma ta'malun. Et si Ami te démente, c'est-à-dire quand tu appelles à l'islam, dis-leur, mes œuvres me reviennent à moi et vos œuvres vous reviennent à vous, je suis vous êtes innocent de ce que je fais, tout comme je suis innocent de ce que vous faites. Naam. Donc ce n'est pas un agrément, c'est un désaveu. Wa qala ta'ala, laqad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَاءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ. Vous aviez certes un bon exemple, comme encore l'État, un bon exemple en Ibrahim, ceux qui étaient avec lui parmi les croyants, parce qu'ils ont dit à leur peuple qui était mécréant, nous sommes innocents de vous, de ce que vous adorez en dehors d'Allah, nous mécroyons en vous, et la haine et l'aversion ont débuté entre nous. À tout jamais, jusqu'à quand ? C'est ce que vous croyez en Allah seul, c'est-à-dire la vraie croyance. En dehors de cela, on ne vous aime pas. On vous déteste. Cependant, on ne vous laisse pas, on ne vous agresse pas, et vous avez même des droits qu'on doit vous rendre. C'est bien à préciser cela. Le fait qu'un musulman dise qu'il n'aime pas le mécréant, ça ne veut pas dire qu'il va l'agresser et lui faire du mal. Contrairement à eux qui, eux, nous détestent et nous font du mal et nous lèsent à longueur de temps. C'est pas pareil. Mais alhamdoulillah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Nous ne sommes pas des victimes qui pleurnichent sur notre sort. Abaden. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Que Allah est notre garant. Et le meilleur des garants. Que Allah nous suffit le meilleur des garants. Donc il est une grave erreur que de prendre ce verset en pensant qu'ils ont le droit de refuser l'islam et qu'il n'y a pas de blâme à leur faire. Et que chacun fait sa vie sans critiquer l'autre ni le juger. Non, le Coran ne parle pas de cela à aucun moment. Il faut les conseiller, il faut les diriger. Si jamais ils refusent, il faut les désavouer. Et se comporter avec eux du comportement qu'ils méritent. D'accord ? Et là, on va finir par une faïda importante par rapport à cette sourate, biiznillahi ta'ala. D'accord ? Quand vous voyez souvent que sourate al-Kafirun et sourate al-Ikhlas, kul huwallahu ahad, sont liés ensemble dans les sourates, dans les salat nafila, surrogatoire. Donc Ibn Taymiyyah toujours il dit à propos de sourate al-Kafirun, il dit, c'est quoi cette sourate ? Ibaratullahi wahdahu wa wadinu l'islam. Donc c'est sourate al-Kafirun, c'est l'adoration d'Allah seul. C'est la religion de l'islam. Et dans sourate Kul huwallahu ahad, qu'on appelle l'Ikhlas, il dit, huwa sifat al-Rahman wa an yuqala fihi wa yukhbaru anhu ma yastahiquhu wa huwa al-Iman. Dans sourate Kul huwallahu ahad, Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Dit qu'il est Allah seul, l'unique, celui qui n'a pas enfanté, qui n'a pas été enfanté, qui n'a pas d'égal. Approximativement dans le sens. Cette sourate-là, elle parle de quoi ? De ses sifas, de ses attributs, et qu'elle nous fait dire ce qu'il faut dire d'Allah et ce qu'il mérite qu'on dise de lui. Que Allah, il est l'unique. Le seul. La seule divinité qui mérite d'être adorée. Il dit, sourate al-Kafirun, c'est Tawhid al-Amali. C'est-à-dire, c'est l'unification dans l'acte, surat al-Kafirun, qu'on n'adore pas ce qu'ils adorent. Et surat Kul huwallahu ahad, c'est le tawhid al-Kawli. C'est le fait de dire, d'unifier Allah par notre langue, en le disant ce qu'il mérite, c'est-à-dire l'unifier dans ses noms et attributs, et qui il est. Et que cette adoration ne nous revient qu'à lui. Là, c'est par notre langue. Surat al-Kafirun, c'est par nos actes, et notre langue également. Et surat al-Ikhlas, c'est par nos paroles. C'est pour cela qu'il fut rapporté que, dans la sunna mu'akkada, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam récitait ces deux sourates quand il faisait deux rakats du Fajr. Il débute la journée par quoi ? Sourate al-Kafirun wa Kul huwallahu ahad, avant le Fajr. Et après le Maghreb, les deux sourates, les deux rakats, il y a une surrogatoire. Après Salat al-Maghreb, il récitait al-Kafirun et al-Ikhlas. Et kadhalik, le witr, à la fin de la nuit, les trois rakats qu'on fait en dernier. D'accord ? Il disait quoi dedans ? Al-A'la. Surat al-A'la, sabbih ismi rabbika al-A'la, également al-Kafirun, également al-Ikhlas. Donc, en début de journée, en fin de journée, et en fin de nuit. Le rappel constant, et qui est basé sur quoi ? Sur le Tawhid. Naam. Donc, c'est cela qu'on voulait dire aujourd'hui, par rapport à cette sourate. Naam. فَنَسْأَلَ اللَّهُ عَزَ وَجَلْ أَنْ يُوَفِقَنَا لِلْإِخْلَاصِ وَالْعَمَلْ بِالْعَمَلَ الصَّالِحِ وَأَنْ يَكُونَ أَنْ نَكُونَ مِنْ عِبَادِهِ الْمُخْلِصِينَ الْمُؤْمِنِينَ الصَّالِحِينَ والذين تبرؤون من المشركين ومن شركهم ومن معبوداتهم نعم فبيد الكود نكتفي وسبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك.